الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala intitulé Al-Aqidatu al-Wasitiyah, dans lequel il a exposé des points importants concernant la croyance du groupe sauvé. Nous en sommes au passage dans lequel il a cité un certain nombre de hadiths dans lesquels sont affirmés des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les premiers hadiths que nous allons voir aujourd'hui concernent l'attribut de l'élévation, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures et qu'il s'est élevé au-dessus de son trône. Le premier hadith qu'il a mentionné concerne une invocation, une ruqya, qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui commence par « Rabban Allah alladhi fis sama » « Ô notre Seigneur Allah qui est au-dessus des cieux ». Donc c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala nous l'a mentionné ici, afin de s'en servir comme preuve de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des cieux. Toutefois, il est à souligner que ce hadith, comme l'a mentionné l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, n'est pas un hadith authentique. Toutefois, les hadiths suivants suffisent pour démontrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, et cela est venu dans différents hadiths authentiques, en plus des versets du Coran dans lesquels cela est mentionné et que l'on a vu dans la partie précédente du livre. Le deuxième hadith est donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama » « Ne me faites-vous pas confiance alors que je suis le digne de confiance de celui qui est fis sama » c'est-à-dire celui qui est au-dessus du ciel. Et ce hadith est un hadith authentique, rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à ceux qui ont fait objection à son partage de biens. Il leur a donc adressé ce reproche en leur disant « Ne me faites-vous pas confiance concernant le partage de ses biens, alors que celui qui est au-dessus du ciel, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, me fait confiance concernant sa révélation, son message et la transmission de sa législation à la création. Et ceci suffit pour démontrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est véridique et digne de confiance, car Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié ce qui est bien plus important que ses biens et ses richesses. » Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith car il se trouve dans celui-ci l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Ensuite, il a mentionné un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wal arshu fawqa dhalik, wallahu fawqa al-arsh, wa huwa ya'lamu ma antum alayhi » حديث حسن رواه أبو داود وغيره. Le trône est au-dessus de cela, et Allah est au-dessus du trône, et il sait ce sur quoi vous êtes. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est un hadith hasan, c'est-à-dire un hadith jugé bon, rapporté par Abu Daoud et d'autres, rahimahumullah ta'ala. Donc, le trône est au-dessus de cela, c'est-à-dire au-dessus des créatures, car il y a les autres créatures qui sont mentionnées dans ce hadith. Mais l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a mentionné que cette partie, car c'est celle-ci qui nous intéresse ici. Donc le trône est au-dessus de toutes les créatures, et Allah est au-dessus du trône. Il s'est élevé au-dessus de son trône d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc, si le trône est au-dessus des créatures, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de l'ensemble des créatures, subhanahu wa ta'ala. Et il sait ce sur quoi vous êtes, c'est-à-dire il sait ce que vous faites, il sait ce que vous dites, il sait ce que vous pensez, de par sa science qui cerne toutes choses et rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, il y a l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône et que son trône est au-dessus de l'ensemble des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ces créatures et sa science est une science parfaite qui cerne toutes choses et qui cerne l'ensemble des œuvres de ses serviteurs. Rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'avoir foi en cela doit te pousser à craindre ton Seigneur, te rappeler qu'à chaque instant, il te voit, il t'observe, et il sait parfaitement ce que tu fais, ce que tu dis, et ce à quoi tu penses. Celui qui parfait sa foi en cela, la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nul doute que ceci aura un effet direct sur l'ensemble de ses actions, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné un autre hadith et il a dit « وَقَوْلُهُ لِلْجَارِيَةِ أَيْنَ اللَّهِ » Et sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la servante, c'est-à-dire la servante de Muawiyah ibn al-Hakam, radiyallahu anhu. Ce dernier avait été pris de colère contre elle et il l'avait frappée. Puis il regretta son acte et en informa le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il eut l'intention de l'affranchir suite à cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui demanda alors de l'amener. Et lorsque cette dernière vint à lui, il dit, « Aïn Allah, où est Allah ?» Il lui pose donc cette question immense au sujet de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. « Qalat fissama » Elle répondit, au-dessus des cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva cette réponse. Puis il lui dit, Man ana, qui suis-je? Qalat, anta rasulullah, tu es le messager d'Allah. Qala a'tiqha, fa innaha mu'mina. Il dit alors à Muawiyah radiallahu anhu, affranchis-la, car c'est certes une croyante. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Donc on voit dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé la réponse de cette femme qui a dit au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est au-dessus des cieux, fissama. Et on voit également à travers cela la permission de poser cette question au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul gêne en cela, car il y a certaines personnes parmi les gens de l'innovation et de l'égarement qui prétendent qu'il serait interdit de poser cette question au sujet d'Allah, de dire « Aïn Allah » ou « Est Allah ». Nous leur répondons alors « Vous n'êtes pas plus savant concernant Allah subhanahu wa ta'ala que son messager sallallahu alayhi wa sallam. » S'il y avait un mal en cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas posé à cette servante. Donc comment peut-on prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait posé une question à cette servante qui ne convient pas d'être posée au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question, c'est que cette question est convenable et il en a approuvé la réponse qui est « Fissama ». Il est au-dessus des cieux. Et le fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ait interrogé cette servante au sujet de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de ses autres attributs. Ceci nous démontre que l'attribut de l'élévation fait partie des attributs les plus immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des attributs les plus immenses, qu'il est élevé subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith nous démontre également qu'avoir foi en l'élévation absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les sens du terme, fait partie des fondements de la foi les plus immenses. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la réponse de cette servante comme signe de sa foi, comme preuve que cette dernière est une croyante. Car elle croyait et avait la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus des cieux. Donc quiconque renie cela, Quiconque renie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a certes été privé de la foi authentique et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ensuite, l'auteur, rahimahullah wa ta'ala, a mentionné 4 hadiths concernant l'attribut d'Al-Ma'iyya, qui est l'attribut de la compagnie ou de l'accompagnement, comme on l'a vu dans un cours précédent. Et on a vu les différentes catégories d'accompagnement concernant Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu qu'il y avait une ma'iyya générale qui concerne toutes les créatures et qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe l'ensemble de ses créatures et sait parfaitement ce qu'elles font et par conséquent les rétribuera en fonction de leurs actions. Et il y a une ma'iyya qui est particulière, un accompagnement particulier qui ne concerne que les croyants et qui signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec eux, il les soutient et il leur apporte son aide et son secours subhanahu wa ta'ala. Donc le premier hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ici est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt. La meilleure foi, la foi la plus méritoire, c'est que tu saches qu'Allah est avec toi où que tu sois. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est un hadith hasan, jugé bon, rapporté par At-Tabarani d'après Ubada ibn Samit radiyallahu anhu. Donc la foi la plus méritoire, la branche de la foi au plus haut degré et au plus haut mérite, et que tu saches qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, c'est-à-dire qu'il sait parfaitement ce que tu fais et qu'il t'observe. Où que tu sois seul ou en public, peu importe l'endroit où tu te trouves, tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi. Et ceci doit te pousser à faire preuve de pudeur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et à le craindre aussi bien en secret qu'en public, car ceci est la foi la plus méritoire, comme cela est venu dans ce hadith, qui nous démontre également que la foi est de différents degrés. Et le plus haut degré et le plus méritoire est la station d'al-ihsan, la station de la bienfaisance, et d'al-muraqaba, que tu te sentes observé par Allah subhanahu wa ta'ala, que le serviteur adore son Seigneur comme s'il le voyait, et qu'il sache qu'Allah est avec lui où qu'il soit. Si tu agis de cette manière, alors tu ne vas ni parler, ni agir, ni n'entreprendre aucune chose sans avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et est témoin de ce que tu fais. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran, vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Médite sur ce verset. Chaque situation dans laquelle tu te trouves, chaque parole que tu prononces, que ce soit la récitation du Coran ou autre, parmi les paroles bonnes ou mauvaises, que ce soit toute action que tu accomplis, au moment où tu l'as fait, au moment où tu l'entreprends, Allah subhanahu wa ta'ala en est témoin. Il sait parfaitement ce que tu fais. Donc si tu as conscience de cela, en toute situation, en tout moment, ceci va te pousser à faire preuve de pudeur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas avoir honte que ton Seigneur te voit en train de faire ce qu'il t'a interdit. Et tu vas avoir honte que ton Seigneur ne te trouve pas là où il te l'a ordonné. Tu sais qu'il t'observe. Donc si tu as foi en cela d'une foi véridique et sincère, que tu en as la ferme conviction, Ceci doit être pour toi une aide au délaissement de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, et ceci doit également te pousser à t'empresser à accomplir tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné parmi les actes d'obéissance et de bienfaisance, et ce de la meilleure manière, aussi bien en public qu'en secret, et aussi bien en apparence que dans ton fort intérieur. Telle doit être la situation du croyant qui a foi en l'attribut d'al-ma'iyya, l'attribut d'al-ilm, l'attribut d'al-muraqaba, le fait d'avoir foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, qu'il sait parfaitement ce que tu fais, qu'il sait parfaitement ce que tu dis et ce que tu penses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, il est al-raqib, subhanahu wa ta'ala, il est al-shahid, subhanahu wa ta'ala, celui qui observe, celui qui témoigne de l'ensemble de tes actes. Tu dois donc faire preuve de pudeur à son égard, subhanahu wa ta'ala, et tu dois sans cesse te rappeler de cela afin de faire partie des meilleurs en œuvre, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné un autre hadith dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, c'est-à-dire lorsqu'il entreprend une prière, lorsqu'il est en train de prier, qu'il ne crache pas devant lui, car certes, Allah est devant lui, et qu'il ne crache pas à sa droite, mais plutôt à sa gauche ou sous son pied. » Ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque tu pries, tu fais face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci ne signifie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est mélangé à ses créatures. Mais il est au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône, tout en étant proche de ses créatures et en les cernant, subhanahu wa ta'ala. Donc nous disons qu'il fait face à son serviteur lorsque ce dernier prie, d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith nous démontre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement sa proximité de son serviteur qui prie. Lorsque tu pries, tu es proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement au moment de la prosternation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith authentique. Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors multipliez les invocations. Multipliez les invocations lorsque vous êtes en prosternation, car c'est le moment où vous êtes le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un moment précieux, ainsi que l'ensemble de ta prière, qui est le lien le plus fort entre le serviteur et son Seigneur. Tu ne dois donc pas négliger ces prières. Tu dois impérativement être assidu à l'ensemble de tes prières. Et tu dois impérativement les accomplir de la meilleure des manières, car c'est le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es proche d'Allah lorsque tu es en prière. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith qui est une invocation rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'imam Muslim. Et la raison de la mention de cette invocation est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith: أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Tu es le premier et il n'y a rien avant toi. Tu es le dernier et il n'y a rien après toi. Tu es l'apparent et il n'y a rien au-dessus de toi. Et tu es le caché, il n'y a rien qui t'échappe. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Awwal et Al-Akhir, le premier et le dernier, nous démontrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala cerne toute chose d'un point de vue temporel. Et ces noms, al-zahir et al-batin, nous démontrent qu'il cerne toute chose en ce qui concerne l'espace. Et c'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith ici. Car il nous démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'apparent, rien n'est au-dessus de lui, et il est le caché, rien ne lui échappe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et en même temps il est proche de ses serviteurs subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux attributs. Ils ne se contredisent pas. Il est proche tout en étant élevé subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a mentionné un autre hadith qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque les compagnons ont élevé la voix en faisant le dhikr. Et plus particulièrement en faisant le takbir et le tahlil, en disant « Allahu Akbar, la ilaha illallah ». Il le faisait à voix élevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'ouna asamma, wa la ghaiba, innama tad'ouna sami'an basiran qariba ». إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Ô vous les gens, ménagez vos forces, c'est-à-dire, nul besoin d'élever si haut la voix. Certes, vous n'invoquez ni un sourd, ni un absent, mais vous invoquez celui qui entend, celui qui voit et celui qui est proche. Certes, celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que la nuque de sa monture. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes affirmé concernant son Seigneur subhanahu wa ta'ala l'attribut de l'ouïe, l'attribut de la vue et l'attribut de la proximité. Et il a nié concernant son Seigneur deux défauts empêchant l'ouïe et la vue, qui sont la surdité et l'absence. Il a dit, vous n'invoquez ni un sourd ni un absent, mais vous invoquez celui qui entend, celui qui voit et celui qui est proche. Il n'y a donc pas besoin d'élever la voix. Il est proche de celui qui l'invoque et de celui qui se rappelle de lui. Nul besoin d'élever la voix, car Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Il vous entend, même si vous prononcez ses paroles à voix basse. Car il est tout proche, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce hadith, il y a l'affirmation de cet attribut, qui est l'attribut de la proximité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il est plus particulièrement proche de celui qu'il invoque. Il entend ses invocations, même si elles sont prononcées à voix basse. Wa ida sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala est tout proche. Et il est avec ses créatures subhanahu wa ta'ala car il les entend et il les voit. Et ceci ne s'oppose pas à son élévation et au fait qu'il soit au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala comme on l'a déjà vu lors de l'explication de cet attribut, lors de la lecture des versets à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith concernant le fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Et il a dit, « Wa qawluhu, sallallahu alayhi wa sallam, innakum satarawna rabbakum, kama tarawna al-qamara laylat al-badr, la tudammuna fi ru'yatih. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَفْعَلُوا مُتَّفَكٌ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous verrez certes votre Seigneur de la même manière que vous voyez la lune lorsqu'elle est pleine, sans être gêné pour le voir, sans avoir de difficulté à le voir. Donc si vous pouvez ne pas manquer une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher, alors faites-le. Et ce hadith est rapporté par les imams البخاري مسلم رحمهم الله تعالى. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux croyants. Il leur dit qu'ils verront certes leur Seigneur, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et on a vu les versets démontrant cela lors d'un cours précédent. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'affirme clairement. Et il nous dit que les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière qu'ils voient la lune lorsqu'elle est pleine. Au milieu du mois, la lune est observée sans aucune difficulté. Et ce qui est visé ici est la comparaison de la vision, la facilité à voir. Et ce n'est pas la lune qui est comparée à Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas. Laïsa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est comparé, c'est la vision. De la même manière que nous n'avons aucune difficulté à voir la lune lorsqu'elle est pleine, les croyants n'auront aucune difficulté, aucune gêne à voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Ensuite il dit, et si vous pouvez faire en sorte de ne pas manquer une prière avant le lever du soleil, c'est-à-dire la prière d'Al-Fajr, et une prière avant le coucher du soleil, c'est-à-dire la prière d'Al-Asr, alors faites-le. Et ceci est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être assidu à ces deux prières, de les accomplir en leur temps et en groupe en ce qui concerne les hommes. Et il a mentionné particulièrement ces deux prières, la prière du Fajr et la prière de l'Asr, car ce sont les deux prières durant lesquelles les anges se réunissent et se relaient, c'est-à-dire que les anges de la nuit et du jour se relaient lors de ces deux prières. Ce sont donc les meilleures des prières de la journée. Par conséquent, celui qui est assidu à ces deux prières et qui les accomplit comme il se doit, il sera rétribué de la meilleure des manières par le fait d'obtenir ce délice et ce bienfait immense qui est de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui est assidu à ces deux prières, il obtiendra ce délice immense bi'inillahi ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ceux qui verront son noble visage. Ce hadith nous démontre donc l'affirmation que les croyants verront leur Seigneur de leurs yeux au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Il a amthali hadhi al-ahadith allati yukhbiru fiha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an rabbihi bima yukhbaru bihi » ainsi que d'autres hadiths dans lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donne des informations au sujet de son Seigneur de par ce dont il a été lui-même informé. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, il ne parle que de par ce qui lui a été révélé au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il affirme dans ses hadiths est une révélation de la part de son Seigneur. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous explique quelle doit être notre position vis-à-vis de ces hadiths qu'il a mentionnés et des autres hadiths concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, tu dois avoir conscience et avoir la ferme conviction que ces hadiths sont une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois donc en aucun cas remettre en question une information qui t'est parvenue si celle-ci est rapportée dans un hadith authentique de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةَ يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. Le groupe sauvé, les gens de la sunna et du groupe, croient en cela de la même manière qu'ils croient en ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son livre. Nous ne faisons aucune différence entre ce qui est venu dans le Coran ou dans la Sunna authentique à ce sujet, et de la même manière dans les autres domaines de la religion. Et ça, c'est d'une grande importance. Ce n'est pas parce qu'une chose ne se trouve pas dans le Coran que nous n'allons pas y croire si celle-ci se trouve dans la Sunna authentique. Car, comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam le livre et al-hikmah, la sagesse, c'est-à-dire la Sunna. Et il fait partie du rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam de clarifier ce qui lui a été révélé du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il a fait à travers ce qui nous est rapporté de lui dans sa sunna authentique, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant, faisant partie des gens de la sunna et du groupe, le groupe sauvé, ceux qui seront bi'idnillahi ta'ala sauvés de la menace du feu de l'enfer et qui seront secourus jusqu'au jour dernier. Il ne remet jamais en question ce qui se trouve dans les hadiths authentiques du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y croit avec certitude. Et comment il y croit? De la même manière que ce qui est venu dans le Coran. Min ghayri tahrif, sans altération. Wa la ta'til, sans négation. Wa min ghayri takyifin, sans chercher ou interroger au sujet du comment. Wa la tamthil, et sans assimilation, sans comparaison. Telle est la voix des gens de la sunna et du groupe concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous les affirmons sans les altérer et sans les nier. Laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Donc, nous n'en cherchons pas le comment également. Et nous ne le comparons pas à ses créatures. Wa huwa as-sami'ul basir. Nous affirmons pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a lui-même affirmé et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet dans sa sunna authentique. Et de cette manière, les gens de la sunna s'opposent aux voix des gens de l'innovation et de l'égarement parmi Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila ou encore Al-Asha'ira. Ceux qui, concernant ces textes, ou bien les renient et les rejettent, ou bien les interprètent d'une manière erronée, contraire à ce qui est démontré dans ces textes. Et également les gens de la Sunna, ils s'opposent à ce qu'on appelle Al-Mushabbiha, ceux qui ont exagéré dans l'affirmation au point de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala nous a démontré que les gens de la sunna sont les gens du juste milieu, et ce dans l'ensemble des domaines de la religion. Tout ce qui est venu dans le Coran et la sunna authentique, les gens de la sunna y croient de manière modérée, c'est-à-dire sans exagération et sans laxisme. Donc il nous dit « Balhumul wasat fi firaqil ummah ». Les gens de la sunna, ils sont au juste milieu comparés aux différentes sectes, aux différents groupes de cette communauté. « Kama anna l'ummata hiya l'wasat fil umam ». De la même manière que cette communauté, la communauté de l'islam, est la communauté du juste milieu, au milieu de l'ensemble des communautés. Nous savons tous, par exemple, que concernant Isa alayhi salam, les gens de l'islam ont emprunté la voie du juste milieu. Les juifs ont fait preuve de négligence à son sujet, ils l'ont méprisé et dédaigné, et ont accusé sa mère de turpitude, et l'ont considéré comme un enfant issu de la fornication. Wal'iyadu billah. Ils n'ont pas cru en sa prophétie et son message. Et les chrétiens, eux, ils ont fait tout l'opposé, ils ont exagéré à son sujet, au point de lui donner les attributs du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et d'affirmer que c'est lui Allah, ou qu'il est le fils d'Allah, ou le troisième des trois. Tandis que les gens de l'islam, ils ont dit au sujet de Isa alayhi salam, que c'est la parole d'Allah qu'il a insufflée à Mariam. Il n'est pas issu d'une relation interdite. Sa mère était chaste, alayhi salam. Et ils ont dit également que c'est un serviteur et un messager d'Allah. C'est un messager, donc ce n'est pas un menteur. Et c'est un serviteur, donc il ne mérite en aucun cas d'être adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah, de la même manière que les gens de l'islam sont le juste milieu comparé aux autres communautés, il va nous démontrer que les gens de la sunna sont le juste milieu comparé aux autres groupes et aux autres sectes qui s'affilient à la religion de l'islam. Il a donc dit « Fahum wasatun fi babi sifatillah subhanahu wa ta'ala bayna ahli at-ta'til al-jahmiya وأهل التمثيل المشبهة. Ils sont donc sur la voie du juste milieu dans le domaine des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les négateurs comme les Jahmiyyah, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, ceux qui ont exagéré concernant la purification d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit exempt de tout défaut, au point de renier et de rejeter ses noms et ses attributs. Donc les gens de la sunna, ils ne font pas cela. Et ils sont entre eux et Al-Mushabbiha qui, eux, ont exagéré dans l'affirmation au point de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Les premiers, ils ont exagéré dans la négation au point de renier les noms et les attributs d'Allah. Et les seconds, ils ont exagéré dans l'affirmation au point de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Et les gens de la sunna ont emprunté la voie du juste milieu. Ils ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comment ? D'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Sans comparaison, sans comparer les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Et sans négation, sans exagérer dans la négation, au point de renier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a ni exagération dans l'affirmation, ni exagération dans la négation. Mais nous affirmons au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a affirmé pour lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son sujet. Et nous nions concernant Allah ce qu'il a nié le concernant et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié concernant son Seigneur. Deuxièmement, l'auteur nous dit, rahimahullah, « وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللَّهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّ وَالْقَدَرِيَّ وَغَيْرِهِمْ » Et ils sont aussi sur la voie du juste milieu concernant les actes d'Allah, entre Al-Jabariya et Al-Qadariya. Al-Jabariya, ce sont ceux qui disent que le serviteur est contraint à ses actes. C'est-à-dire qu'ils ont exagéré concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala au point de nier les actes des serviteurs. Et ils prétendent que les serviteurs ne font rien, mais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Et que le serviteur est contraint à faire ce qu'il fait. Il ne contrôle pas ses faits et gestes, selon leurs prétentions. Et Al-Qadariya, eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont exagéré dans l'affirmation des actes des serviteurs, au point de dire que le serviteur crée lui-même ses propres actes, sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les actes des serviteurs ne sont pas sous la volonté d'Allah, mais qu'ils les ont faits indépendamment de sa volonté. Et nul doute que ces deux voies sont des voies de l'égarement. Et les gens de la sunna ont emprunté la voie du juste milieu à ce sujet. Ils ont dit le serviteur a une volonté, il a un libre arbitre, il fait des actes de par sa propre volonté, mais il ne peut rien faire si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun. Allah vous a créé ainsi que vos actes, ainsi que ce que vous faites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé que les serviteurs font des œuvres. Et il a affirmé que ces œuvres font partie de la création d'Allah. Et il a dit aussi subhanahu wa ta'ala « وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » Et vous ne pouvez vouloir sauf si Allah veut, Seigneur de l'univers. Donc il a affirmé que le serviteur a une propre volonté. Mais celle-ci vient et est subordonnée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra ce sujet plus en détail, incha'Allah ta'ala, lors du passage sur la foi au qadar, la foi au destin. Mais ce que l'on retient ici, et ce qui est important, est que les gens de la sunna ont emprunté la voie du juste milieu entre les exagérateurs à ce sujet. La troisième chose, il nous dit, wa fi babi wa'idillah, bayn al-murji'ati wal-wa'idiyah, min al-qadariya wa ghayrihim. Et concernant la menace d'Allah, ils ont emprunté la voie du juste milieu entre Al-Murjiya et Al-Wa'idiya parmi Al-Qadariya et autres. Donc concernant la menace d'Allah, c'est-à-dire les textes dans lesquels sont venues des menaces adressées à ceux qui font des péchés et désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les textes dans lesquels on trouve une menace d'un châtiment. Les gens de la sunna ont emprunté la voie du juste milieu à ce sujet. Entre Al-Murji'a, les Murji'a qui sont ceux qui ont repoussé les œuvres de la foi, au point de dire que celui qui commet des grands péchés n'est pas un pervers, et que celui qui a la foi, aucun péché ne peut lui nuire, de la même manière que celui qui est mécréant, aucune adoration, aucune obéissance ne lui profite. Donc selon eux, celui qui commet des grands péchés, il a la foi complète, et il n'est pas exposé à la menace du châtiment. Ils ont donc fait preuve de laxisme concernant le statut de l'auteur des grands péchés. Et ils ont exagéré à ce sujet au point de dire que les péchés ne diminuent pas la foi et que celui qui commet des grands péchés a la foi complète. Et Al-Wa'idi, à eux, ils ont fait l'inverse. Ils ont appliqué la menace sur tout auteur de péché. Au point de dire que celui qui commet un grand péché, s'il meurt sur cela et qu'il ne s'en repent pas, alors il sera éternellement en enfer. Ils ont considéré que dans ce bas monde, il est sorti de la foi. Donc nul doute que ces deux voies sont des voies égarées. Et ce sont deux extrêmes opposés. Et les gens de la sunna ont emprunté la voie du juste milieu à ce sujet et ils ont dit « L'auteur d'un péché majeur est dans le péché lorsqu'il le commet ». Il s'expose à la menace et à la diminution de sa foi. Et son statut est qu'il commet du fisq, de la perversité, qu'il est sorti de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne disons pas comme les murji'a qu'il a la foi complète et qu'il n'est pas exposé à la menace, non. Sa foi est diminuée, sa foi est faible et il est exposé à la menace. Mais nous ne le faisons pas sortir de la foi et nous ne disons pas qu'il sera éternellement en enfer. Mais nous disons qu'il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché. Puis, il le fera sortir de l'enfer et le fera entrer au paradis. Contrairement à ce que prétendent Al-Wa'idiyya, qui disent qu'il sort de la foi et qu'il sera éternellement en enfer. Ensuite, l'auteur nous dit, rahimahullah, وَفِي بَابِ أَسْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنِ الْحَرُورِيَّةِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَةِ. Et concernant la nomination de la foi et de la religion, c'est-à-dire le statut de la personne, est-ce qu'elle est musulmane ou mécréante ou perverse? Les gens de la sunna, ils sont au juste milieu entre Al-Haruriyya, qui sont les Khawarij, qui ont été appelés Al-Haruriyya au temps des compagnons, radiyallahu anhum, car ils se trouvaient dans une contrée d'Irak appelée Harura. Ils ont donc été affiliés à cette contrée et ont été appelés Al-Haruriyya. Et ce sont les Khawarij qui sont sortis et se sont révoltés contre Ali, radiyallahu anhu. Et Al-Mu'tazila, ce sont les suiveurs de Wasil ibn Atta, qui est celui qui s'est éloigné et écarté de l'assise d'Al-Hassan al-Basri. Et Al-Tazala, Majlis Al-Hassan al-Basri. C'est pour cela qu'ils ont été appelés Al-Mu'tazila. Donc les Khawarij et les Mu'tazila, ils considèrent que celui qui commet un grand péché parmi les musulmans, dans ce bas monde, selon les Khawarij, c'est un kafir, c'est un mécréant. Et selon les Mu'tazila, il n'est ni musulman ni mécréant. Il est à une station entre les deux stations, un statut entre les deux statuts. Et ils ont été d'accord pour dire que dans l'au-delà, il sera éternellement en enfer. Et Al-Murji'a, eux, ainsi que Al-Jahmiya, ils ont été à l'extrême opposé. Et ils ont dit que celui qui fait un grand péché, ceci ne nuit en aucun cas à sa foi. Sa foi est complète, car la foi pour eux, c'est seulement la reconnaissance du cœur. Et certains ont dit la parole de la langue également. Mais ils ont repoussé les œuvres de la foi. Donc pour eux, la foi, elle n'augmente pas par l'obéissance, elle ne diminue pas par la désobéissance. Et c'est pour cela qu'ils disent que les péchés ne font pas diminuer la foi et que celui qui commet des péchés, il ne mérite aucun châtiment tant qu'il ne rend pas licite ce péché. Et ces deux voies sont également des voies égarées. Et les gens de la sunna ont emprunté la voie du juste milieu à ce sujet. Et ils ont dit que celui qui commet un péché, il ne sort pas de l'islam simplement pour avoir commis ce péché. Mais il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ce péché. Mais il ne restera pas éternellement en enfer tant qu'il est mort sur la religion de l'islam et sur le tawhid. Et les gens de la sunna disent que l'auteur des péchés, ses péchés font diminuer sa foi et l'affaiblissent, et qu'il encourt pour cela le châtiment du feu, sauf si Allah décide de lui pardonner cela. Et ils disent que l'auteur des péchés est un fasiq, Un pervers, c'est-à-dire quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah et que sa foi est diminuée. Contrairement aux Murji'a qui disent qu'il a la foi complète. Wallahu ta'ala a'lam. Enfin, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, termine ce passage en disant: Wa fi babi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna al-rafida wal-khawarij. Et concernant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont entre al-rafida et al-khawarij. Al-rafida, c'est un nom qui provient du mot rafd, qui signifie le délaissement ou le refus. Et cette secte chiite a été appelé ainsi car ils ont dit à Zayd ibn Ali: désavoue-toi des deux cheikhs, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Et ce dernier a refusé. Ils ont donc, eux, refusé Rafadou. Ils ont délaissé Zayd ibn Ali. Ils ont donc été appelés Rafidah. Et eux, leur voix concernant les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont exagéré au sujet de Ali, radiyallahu anhu, et les gens de la maison, et ils l'ont préféré sur les autres compagnons, et ils ont établi l'animosité pour tous les autres compagnons, radiyallahu anhum, mais plus particulièrement les trois califes, Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum, au point de les dénigrer, de les maudire et voire même de les taxer de mécréance, wal'iyadu billah. Et l'extrême opposé, celui des Khawarij, qui ont taxé de mécréance Ali, radiyallahu anhu, et tous ceux qui étaient avec lui, parmi les compagnons au point de les combattre et de rendre licite leur sang et leurs biens. Et Ahl Sunna, les gens de la Sunna et du groupe, ils se sont opposés à ces deux sectes opposées et ils ont établi l'alliance à l'ensemble des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans ne faire d'exagération sur aucun d'entre eux mais en donnant à chacun sa juste valeur comme celle-ci est démontré dans les textes. Et tous les compagnons, radiyallahu anhum, sont aimés par les gens de la sunna, sans aucune distinction à ce sujet, si ce n'est celle venue dans les textes démontrant le mérite des uns sur les autres. Et on verra tous ces sujets de manière plus détaillée dans les chapitres dans lesquels ils sont développés dans ce livre. Mais l'objectif ici n'était que de voir que les gens de la sunna, dans tout domaine de la religion et plus particulièrement ces domaines liés à la croyance, ils ont emprunté la voie du juste milieu entre les extrêmes opposés. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on continuera de lire les paroles de l'auteur rahimahullahu ta'ala dans le cours prochain et on verra ce qu'il nous a exposé concernant certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.